Bonjour, je suis Léo et vous écoutez La Lanterne des Otaku, votre émission 100% Japon sur Fadjet. C'est un immense plaisir pour moi de vous retrouver pour ce mois de mai qui annonce les beaux jours. Un très beau programme vous attend, aujourd'hui avec une balade gastronomique et culturelle dans le garde-manger du Japon, à Osaka. Le japonais dont je vais vous parler aujourd'hui a marqué les esprits pendant un demi-siècle avec ses mangas axés sur la défense et les tensions géopolitiques. Son nom est Keiji Kawaguchi, mangaka ayant reçu de nombreuses récompenses. Pour ce qui est de l'aspect pop culture, je reviendrai sur l'un de ses ouvrages, Season Life, une enquête policière poignante, en passant bien évidemment par les sorties du mois et les salons ou événements dans la région. Enfin, pour la première fois dans la lanterne des otaku, mon samouraï du jour sera un chef étoilé qui tient la maison dans le parc, le restaurant gastronomique à Nancy, et qui vient d'ouvrir au centre Pompidou, son restaurant Yozora, où la gastronomie nippone est une source d'inspiration inépuisable. Vous l'avez bien compris, il s'agit de Charles Colombo. Mais avant tout ça, passons en revue les actus au pays des samouraïs. La flamme olympique ne sera pas la seule légende à monter les marches du festival de Cannes. Hayao Miyazaki, le légendaire fondateur des studios Ghibli, sera aussi de la partie, en vue de la remise d'une palme d'or d'honneur qui sera remise au réalisateur. En effet, Thierry Frémaux et Iris Knobloch, président du célèbre festival de Cannes, ont justifié leur choix en expliquant que, comme toutes les icônes du cinéma, les personnages de ces films peuplent nos imaginaires d'univers foisonnants et colorés et de récits sensibles et engagés. Avec Ghibli, le cinéma d'animation japonais se vit comme l'une des grandes aventures de la cinéphilie entre tradition et modernité. Depuis 40 ans, le papa du voyage de Chihiro ou de Princesse Mononoké aura marqué toutes les générations. En mars dernier, Miyazaki s'est vu remettre l'Oscar du meilleur film d'animation le 10 mars 2024 en rapport avec son dernier film d'animation sorti en 2023, Le Garçon et le Héron, un film très émouvant que je vous recommande absolument de voir. Miyazaki a d'ailleurs annoncé sa retraite à 83 ans, bien méritée après avoir fait briller les yeux d'enfants du monde entier. Restons en France avec la visite du Premier ministre Fumio Kishida en France le 30 avril dernier. Kishida s'est entretenu avec le Premier ministre français Gabriel Attal dans l'optique d'approfondir les relations bilatérales au niveau sécuritaire, économique et culturel. Pendant cet échange, le jeune Premier ministre français s'est vu offert une poupée traditionnelle en bois Kokeshi à l'effigie d'un des personnages de Dragon Ball. On rappelle que Gabriel Attal avait fait part de ses condoléances à la suite du décès de Toriyama Akira. Après une rencontre avec le Premier ministre français, Fumio Kishida a ensuite rencontré Emmanuel Macron et a prononcé un discours lors d'une réunion du conseil ministériel de l'OCDE avant d'aller en Amérique latine. Enfin, comme à Venise et afin de lutter contre le sourd-tourisme, la préfecture de Yamanashi a imposé des visites payantes pour faire l'ascension du mont Fuji. Et oui, à partir du 20 mai 2024, chaque touriste devra s'acquitter de 12 euros pour parcourir les 10 stations, fixé à 3000 personnes maximum par 3000 personnes maximum par jour. En été dernier, pas moins de 220 000 touristes ont défié Fujisan. Cette affluence conséquente fait craindre des conséquences néfastes pour la nature aux alentours. La ville de Fujikawaguchiko va même encore plus loin en dressant une haute palissade permettant de cacher la vue sur le mont Fuji. Le Japon a battu un record mensuel de touristes étrangers à, étonnez-vous bien, 3 millions. À chacune et chacun de faire preuve d'intelligence pour ne pas suivre les mouvements de foule et de s'adapter à la nature et aux habitants des environs et non l'inverse. Plus de Japon sur la lanterne des otaku, votre émission 100% culture nippone sur Fadjet. Thank you. J'espère que vous n'avez pas trop mangé ce midi, car le moment est venu d'aller en escapade culinaire et culturelle à Osaka, la troisième plus grande ville du Japon. Un petit peu de géographie tout d'abord. Située au sud du Japon, elle réside dans l'archipel principal d'Honshu, et plus précisément dans la préfecture qui porte son nom. Je le rappelais il y a un instant, avec environ 2 770 000 habitants, Osaka est la troisième plus grande municipalité du pays du soleil levant devant Kyoto et puis Tokyo. Si Tokyo est le cerveau et Kyoto le cœur du Japon, Osaka est le ventre de l'archipel. Accessible en train à environ 3 heures de la capitale, il est impossible de la visiter en un jour tellement sa ville est immense. Avant d'aller manger, un peu de touche américaine en allant visiter le Japan Universal Studio, le parc à thème d'Universal. Chaque année, il connaît un succès monstrueux avec environ 15 millions d'entrées. Vous pourrez profiter d'une soixantaine d'attractions qui sont axées autour des films comme Harry Potter, Les Mignons, et la grande nouveauté, et ouvrez bien vos oreilles, le Super Nintendo World, avec une zone unique sur l'univers Mario, unique au monde. Et ses décors extraordinaires sont dignes d'un Super Mario Bros. À l'intérieur se trouve une attraction nommée Mario Kart Koopas Challenge, autrement dit la célèbre course, mais cette fois dans la réalité. Après l'effort des attractions à sensation, le réconfort avec les papis, dans la capitale de la street food japonaise. Osaka a la réputation d'avoir un nombre phénoménal de stands de nourriture et de restaurants en tout genre. C'est la capitale en tout genre, donc je vous propose tout d'abord de goûter à la star d'Osaka, le takoyaki. Alors qu'est-ce que c'est le takoyaki ? Il s'agit de beignets de pieuvre auxquels on ajoute une sauce, de la mayonnaise et de la bonite séchée. En général, on vous en sert par 6. C'est vraiment délicieux, mais attention, c'est très chaud, donc attendez un peu avant de vous régaler. Il n'y a pas que ça, bien sûr. Je pense également à l'okonomiyaki, une espèce de galette japonaise, mais aussi au kitsune udon, les fameuses nouilles sans le bouillon. Plus spécial encore, mais plus dangereux, et vous allez comprendre pourquoi. Pour les plus vaillants, tentez le fugu. Le fugu, c'est le poisson globe. Alors, je vois tout de suite votre réaction, rassurez-vous. Les restaurateurs qui le cuisinent possèdent une licence très spécifique, car certains organes de ce poisson sont très toxiques et la découpe demande une technique très délicate. Grosso modo, si un restaurateur a le malheur de rater sa découpe ou autre et que un client vient à manger une des parties toxiques, ce qui n'arrivera jamais, mais on sait jamais, et va c'est direction l'hôpital et ça peut être très très grave quoi. Pour information, ils en font des sashimi, donc n'ayez crainte, hein, vous ne finirez pas l'hôpital, hein, contrairement à ce qui peut être dit. Finissez le repas sur une note sucrée ensuite, en mangeant le taiko manju, une génoise fourrée à la pâte de haricots rouges. Pour terminer cette balade à Osaka, faites la marche de digestion en direction du château de la ville, qui est l'un des plus beaux du pays. Osaka, c'est cool, mais n'ayez pas les yeux plus gros que le ventre quand même, ok? Allez, vous écoutez La Lanterne des Otaku, votre émission 100% Japon sur Fadjet. Ooh. Vous écoutez La Lanterne des Otaku, votre émission 100% Japon sur Fadjet. C'est le nombre d'années de carrière d'un grand mangaka, Keiji Kawaguchi. Âgé aujourd'hui de 78 ans, l'auteur expose pour la première fois en Europe ses planches en Alsace dans le cadre d'une exposition temporaire lui étant dédiée. Connu pour ses œuvres sur la défense et les tensions géopolitiques, il pousse les lecteurs à s'interroger sur la véritable identité de la société japonaise face aux enjeux internationaux. Aujourd'hui, c'est l'histoire d'un monstre du manga réaliste, d'un japonais avec un grand J que je désire vous raconter. 3 ans après la Seconde Guerre mondiale, Keiji Kawaguchi vit le jour un 27 juillet 1948 à Onomichi dans la préfecture de Hiroshima. Au fil du temps, sa jeunesse a pris tout son sens grâce à la bande dessinée. À l'époque, il vouait une admiration pour les ouvrages de mangaka comme Tetsuka Osamu, artistes qui ont brillé dans les années 50. Cependant, Keiji n'était pas seul à partager cette passion du dessin. Kyuji, son frère jumeau, adorait la bande dessinée. Lors d'une récente conférence, l'auteur expliqua que son frère avait un don pour le dessin. Les deux frères avaient en commun cet amour pour la bande dessinée qui, à l'époque, était censurée dans certaines familles. Les parents interdisaient aux jumeaux d'en acheter. Heureusement, Keiji et Kyuji pouvaient trouver leur bonheur dans des librairies de location à des prix dérisoires. Au moment de rentrer à l'université, le père qui tenait une entreprise demanda à l'un des deux frères de reprendre l'affaire familiale. Avec dévouement et sacrifice, Kyuji renonça à sa vocation professionnelle de dessinateur et permit à Keiji de perpétuer sa passion. Alors que des mouvements étudiants font rage dans les années 68, le futur mangaka trace sa route en créant des premières histoires qui s'inscriront dans le Gekiga, qui est une bande dessinée alternative au manga pour enfants un peu plus adultes, mais beaucoup plus violente. Il publiera ses premiers ouvrages dans des magazines japonais comme Young Comic ou Comic Box. Dans les années 70, Kawaguchi va réaliser ses premières œuvres en s'intéressant aux faces cachées du pays du soleil levant. De ce fait, il rencontra une bonne notoriété au sein des mouvements étudiants, mais la décennie suivante va s'annoncer plus compliquée en raison de japonais qui se détournent de ce genre de récit jugé trop sombre. Grâce à sa persévérance, le mangaka va trouver une nouvelle source d'énergie entre les deux puissances pacifiques que sont les USA et le Japon. Il va trouver un tremplin de notoriété avec The Silent Service, où le mangaka raconte le désir d'indépendance d'un sous-marin nucléaire construit par les Japonais et les Américains. Kawaguchi veut avant tout faire réfléchir les lecteurs autour de l'usage de l'arme atomique. Cette série fera même l'objet d'un débat au Parlement japonais à l'époque, où certains le catégorisent chez les auteurs révisionnistes. C'est fort quand même. Après le succès rencontré par The Silent Service, 30 millions d'exemplaires vendus à travers le monde. Le travail a fini par payer avec la remise du prix Kodansha en 1987, 1990 et 2002. Entre 2000 et 2010, il réalisera 2 autres séries, Zipang et Spirit of the Sun, dont les thématiques se rapprochent de The Silent Service. Aujourd'hui, le mangaka a été couronné de succès grâce à ses mangas historiques. Malgré la maladie, il poursuit sa nouvelle série, Kubo Ibuki, une fiction militaire très réaliste qui traite des tensions territoriales dans l'océan Arctique avec la Russie. C'est là que ça nous impressionne, puisqu'il y a une sorte d'anticipation de la part de l'auteur, car il nous fait bien sûr penser à ce qu'il se passe, par exemple, entre la Russie et l'Ukraine. Vous êtes toujours sur Fat Jet, dans l'émission La Lanterne des Otaku, l'émission 100% Japon. C'est donc fini pour l'aspect traditionnel, on enchaîne avec le volet pop culture autour de mon manga coup de cœur de ce mois-ci. On va donc rester dans l'univers de Keiji Kawaguchi, avec un autre de ses ouvrages dont je ne vous ai pas parlé, mais dont on va l'aborder pleinement maintenant, qu'il a réalisé avec un autre géant du manga, Nobuyuki Fukumoto, Season Life. Cette fois-ci, l'auteur est sorti de sa zone de confort, de ses sujets de prédilection, en nous parlant de Monsieur Takeda, un papa atteint d'un cancer qui, d'une part, n'a plus que 6 mois à vivre, selon les médecins, et d'autre part, enquête pour retrouver l'assassin qui a mis fin au jour de sa fille, disparue 14 ans auparavant. Ce manga a été récemment édité par la maison d'édition Panini Manga, en 2 tomes, au lieu de 3 et vendu pour 12,99€ le tome. Alors, moi ce que j'ai pensé, c'est qu'on retrouve bien le trait réaliste du manga. Cette série, elle a vraiment l'avantage d'être courte, donc comme je vous le dis, elle se lit en 2 tomes, et elle se lit très facilement en termes de répliques. Les images en revanche sont très poignantes. Je conseillerais plutôt cet ouvrage pour de jeunes adultes, car certaines images peuvent choquer. Parce que ce manga, il s'agit avant tout d'un seinen, donc un manga pour les adultes. L'alliance de ces deux monstres de la bande dessinée a permis de produire une série originale, bouleversante et surtout inhabituelle de la part de Keiji Kawaguchi. Donc l'ouvrage est à retrouver dans vos librairies ou en l'achetant en ligne. Votre émission 100% Japon, La Lanterne des Otaku, revient tout de suite pour les sorties manga et les conventions et événements dans la région. Ça tape très fort en ce mois de mai en ce qui concerne les sorties manga. En hommage à Toriyama, la maison Glénat a décidé de republier Dragon Ball, l'enfance de Goku, personnage mythique du manga. Avec la parution des deux premiers tomes le 15 mai 2024, et pour la première fois, entièrement en couleur. Ça vaut le coup de l'acheter. On continue avec l'incroyable ascension de Frieren, cet elfe qui, avec ses premiers compagnons, avait ramené la tranquillité dans le royaume. Mais comme elle peut vivre plus de 1000 ans, et que ses autres camarades, qui ne sont pas des elfes, ne le peuvent pas, ne sont pas si éternels que ça. Après un long voyage, elle revient les voir, mais un des compagnons, Himmel, est si vieux et fatigué qu'il finit par s'éteindre paisiblement. Elle décide alors d'entreprendre avec de nouveaux compagnons un voyage et d'y rencontrer de nouvelles personnes. Le 12e tome est sorti le 2 mai dernier. Enfin, restons dans le domaine de la magie avec notre salamandre préférée dans Fairy Tail, Natsu, et la quête des 100 ans dans le 16e tome paru le 15 mai. Puisqu'on en parle, j'en profite pour vous dire aussi que Fairy Tail, en lien avec cette fameuse quête des 100 ans, fera son grand retour sur les écrans en juillet 2024 et plus précisément sur les plateformes de streaming Anime Digital Network et Crunchyroll. Je vous recommande de noter ces deux événements concernant les sorties. Tout d'abord, je vous ai parlé tout à l'heure de l'exposition temporaire autour de Keiji Kawaguchi très rapidement. Alors celle-ci, elle a donc commencé le 2 mai et se terminera le 30 juin. Attention, l'exposition se fait sur deux sites. Un à Colmar, au corps de garde, et le second à Guéviller, au Dominicain, à une vingtaine de kilomètres de Colmar. L'entrée pour accéder aux deux sites, de Colmar et Guéviller, ça coûtera 9 euros pour les adultes, 6 euros pour les jeunes ou les étudiants, ou alors 21 euros pour un forfait famille, donc qui inclut deux adultes accompagnateurs et un ou deux enfants âgés entre 10 et 18 ans. L'accès reste bien sûr gratuit pour les enfants de moins de 10 ans. Aussi, il est également possible de réserver des visites de groupes scolaires, collèges et lycées, et ou individuels via le pass culture. Le site de Colmar est assez accessible en train depuis Strasbourg. Cependant, celui de Guebwiller nécessitera une vingtaine de minutes en voiture depuis Colmar et une cinquantaine de minutes via les transports en commun. Vous pourrez y admirer pas moins de 130 planches originales, mais aussi des reproductions du mangaka. Du côté de la Lorraine, en Moselle, vous avez la convention Pop Culture Mastery qui se tiendra le week-end du 18 et 19 mai au parc des expositions de Metz. Il s'agira d'un salon qui se veut réunir de l'animé mais aussi du comics. Il y a vraiment une belle brochette d'invités pour cette occasion, hein. C'est pas la première édition de cette convention, avec la venue exceptionnelle de Evanna Lynch qui a joué Luna Lovegood dans Harry Potter et de Raphaël Luce, acteur dans Stranger Things. Il y a aussi pas mal de comédiens de doublage dont Richard Darbois, la célèbre voix de Buzz Éclair, Philippe Pétu et Véronique Augereau pour les voix d'Homer et Marge Simpson, puis les voix françaises des acteurs qui ont joué l'adaptation Netflix de One Piece. Bref, il y a du beau monde, hein. Vous écoutez La Lanterne des Otaku, votre émission 100% Japon sur Fadjet. Jesus. Comme je l'ai rappelé tout à l'heure, mon samouraï de ce mois-ci a un grand talent culinaire en Lorraine. Il tient la maison dans le parc à Nancy, son restaurant près de la pépinière, et en a repris un second au centre Pompidou à Metz, le lieu de Zola, mais aussi une brasserie baptisée Oumé. Alors bonjour Monsieur Colombo, merci d'avoir répondu à l'invitation de Fadjet et d'être venu au studio. Donc en introduction de mon émission tout à l'heure, je disais que donc vous aviez gagné une étoile, c'est ça? Alors bonjour à tous, oui, on a une étoile depuis 2022, maintenant mars 2022 au restaurant. Oui. Très bien. Moi j'ai envie de savoir qui se cache derrière cette étoile. Bah, qui se cache derrière cette étoile? Bah, déjà, il y a plusieurs personnes. Hein. On est une grande équipe. Hein. Tout seul, on peut pas faire grand-chose en cuisine. Donc, on est une quarantaine de salariés. On est 47 exactement en ce moment à la maison dans le parc. Donc, voilà, c'est une équipe cosmopolite, variée. Voilà, alors j'en suis la figure de proue, mais voilà, sans m'enorgueillir de cette position-là. C'est-à-dire que je suis à la création, à la gestion et la direction avec Roxane de cette belle institution, mais derrière ça, il y a énormément de gens qui œuvrent, que ce soit des apprentis qui ont des fois 14, 15 ans, on a des fois des jeunes avec des profils très particuliers, des mineurs isolés, on a des gens qui ont 35 ans, qui ont 40 ans, voilà, donc il y a toutes les formations possibles, il y a ceux qui ont fait le lycée hôtelier, il y a ceux qui sont en reconversion, voilà, on a plein de gens, plein de profils différents, et c'est ce qui fait la richesse de notre restaurant. Très bien. Vous avez ouvert, vous tenez la maison dans le parc depuis plusieurs années maintenant. Quand je regarde les différents sites, donc que ce soit la maison dans le parc ou de votre restaurant que vous avez ouvert récemment au centre Pompidou Yotsola, voilà, vous dites qu'il y a énormément de clins d'œil à la cuisine japonaise. Pourquoi? Alors, les restaurants à Metz ne sont pas encore ouverts, ça ouvre dans quelques semaines. Donc, il y aura une brasserie qui s'appelle Oumé au déjeuner et le soir, un restaurant gastronomique, Yozora. Donc ça, c'est rendez-vous le 5 juin pour tous ceux qui sont dans la région. 5 juin, d'accord. Le clin d'œil, il vient de mes expériences, c'est-à-dire que j'ai eu la chance de travailler au Japon il y a quelques années. C'est un pays duquel je suis resté très proche, c'est-à-dire que j'y vais des fois plusieurs fois par an, j'y suis allé deux fois cette année. Toujours en rapport avec le travail, parce que c'est aussi la manière dont je vis. C'est de bons arguments pour voyager. J'ai un lien avec ce pays parce que voilà, il y a des valeurs qui sont défendues naturellement là-bas qui me parlent, c'est-à-dire le respect des aînés, le respect de la culture, de la hiérarchie, le goût de l'effort, la loyauté envers son entreprise, loyauté dans le travail. C'est des choses qui, moi, me parlent et m'inspirent. En plus d'un magnifique pays avec une richesse de produits aussi tous plus déroutants les uns que les autres. Voilà, moi, c'est ça qui m'a plu dans le Japon. Donc, on a essayé de ramener un peu de Japon dans les assiettes, alors tout en utilisant des produits locaux, mais ça va passer par des sensibilités d'assaisonnement, ça va passer par des techniques, des appellations, des néologismes, des fois aussi. Voilà, donc il y a plein de choses liées au Japon, mais pas que, surtout au terroir lorrain, qui est la première inspiration, c'est-à-dire qu'on part du produit, on part de la saison, et après, on se l'approprie avec, justement, cette culture nippone. D'accord. Quels sont, pour vous, un petit peu les points communs entre la cuisine japonaise et la cuisine de Lorraine, pour vous? Bon, il y en a pas plus qu'avec entre deux autres cuisines, c'est-à-dire qu'elles sont très différentes. On a la cuisine de Lorraine, qui est une cuisine généreuse, gourmande, du terroir. Et puis, la cuisine du Japon, elle est très, très riche. Hein. Il y a énormément de choses. Hein. Il n'y a pas que les sushis, il n'y a pas que les ramen, il y a beaucoup, beaucoup de spécificités en fonction des régions. Je ne sais pas s'il y a de points communs. Le point commun, c'est plutôt les gens qui la font, je pense. Et c'est ce qu'on essaie, nous, de reproduire, en tout cas, et d'appliquer au restaurant. C'est des gens passionnés, respectueux du produit, respectueux de leurs collaborateurs. Donc voilà, je pense que c'est plutôt les gens qui sont au bout de ce produit, que ce soit les exploitants, les éleveurs, les agriculteurs, c'est plutôt ça qui va faire si on doit faire un rapprochement entre ces deux cultures. D'accord. Donc, je rectifiais ce que j'avais dit tout à l'heure. Donc, vous ouvrirez le restaurant Ryozola et la brasserie Oumé. Oumé, voilà. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le concept de ces deux projets, s'il vous plaît? Alors, il y a un espace restauration au centre Pompidou, au premier étage, centre Pompidou-Metz, qui est inexploité depuis maintenant plusieurs années. On a eu la belle opportunité de pouvoir se positionner sur cette offre. Donc, on a imaginé une offre à destination des visiteurs du musée et des gens qui travaillent aux alentours la journée. Donc ça, ce sera la brasserie dans la grande salle. qui est une brasserie un peu fusion, c'est-à-dire on revisite un petit peu les plats de la brasserie, brasserie française, pardon, avec des notes japonaises. On a par exemple les œufs mimosa au miso, on a la blanquette de veau au wasabi. Voilà, donc c'est des petits clins d'œil, toujours avec des produits frais. On a voulu aussi une carte accessible, accessible à tous. Donc on peut bien manger des produits bien travaillés, des produits locaux dans la mesure du possible. Et le soir, on a dans la bulle en verre, qui est la deuxième salle, un restaurant gastronomique qu'on a appelé Yozora, qui veut dire la voûte céleste en français, donc le ciel nocturne. Et là, c'est vraiment une expérience très intime, très singulière, qui se rapproche un peu plus de ce qu'on fait à la Maison dans le Parc, une expérience gastronomique, avec inspiré des menus omakase, qui sont les menus japonais un peu référence, où il y a toute une succession de plats qui vient flatter, on va dire, le terroir de Lorraine, mais aussi le terroir français, c'est-à-dire qu'il y aura deux versions. Il y en aura un qui sera vraiment concentré sur ce qui se trouve à nos pieds. D'accord. Et l'autre où c'est vraiment les beaux produits du terroir. Donc on pourra avoir par exemple un beau turbo ou de la sole ou des choses comme ça. Et on a vraiment mis l'accent sur les arts de la table avec de la très belle vaisselle. On a fait faire de la vaisselle par une céramiste nancéenne, Céline Blaudès, qui travaille avec nous. Voilà, on a vraiment essayé d'aller encore plus loin que ce qu'on fait ici à Nancy. Il y aura un petit peu moins de couverts, donc il y aura une vingtaine de couverts seulement sur réservation. Donc du mercredi au dimanche pour la brasserie comme pour le restaurant gastronomique. Très bien. Vous parliez d'accessibilité. Vous tenez également un food truck Izakaya. C'est ça. En regardant le menu, les prix restent vraiment très corrects. J'ai regardé des burgers à 12 euros. Est-ce possible de goûter à la véritable cuisine japonaise sans se ruiner ? Alors nous, ce qu'on fait sur le food truck, encore une fois, c'est... On l'a appelé néo-nippon ou franco-nippon ou tout ce qu'on veut parce que voilà, les gens aiment bien mettre des noms sur les choses. On fait une cuisine un peu de l'instant, c'est-à-dire que ça se trouve dans 6 ans, je serai passionné de Mexique et on fera des tacos. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de gravé dans le marbre. Mais voilà, la cuisine japonaise, c'est encore autre chose. C'est vrai que elle nécessite toujours, quand on mange par exemple des sushis, elle nécessite toujours des produits d'excellente qualité, un très bon riz, un très bon poisson, très frais, qui a forcément un coût. Même au Japon, quand on mange des sushis au Japon, c'est généralement un repas qui est relativement cher. Mais pour les cuisines un peu populaires, les ramen, les okonomiyaki, toutes ces cuisines de street food, quand elles sont servies au Japon, généralement, sont très très accessibles. Un petit peu moins en France, mais voilà, il faut pas avoir peur de pousser la porte de ces restaurants-là, qui généralement sont quand même intéressants quand on est un petit peu préoccupé par son budget ou qu'on fait attention à ça. Ok. Donc maintenant, je voulais aborder avec vous votre voyage à Hiroshima. En compagnie donc du chef Loïc Villemain, chef du Toya Restaurant à Folquemont. Déjà, est-ce que vous pouvez nous raconter ce voyage ? Qu'est-ce que vous êtes allé faire à Hiroshima ? Alors, c'est un voyage qu'on a fait au mois de février. Donc, j'ai été missionné par la préfecture d'Hiroshima et le préfet pour venir découvrir leur saké. Donc, on a fait un peu comme on aurait en Bourgogne la route des vins, mais on a fait la route des sakés. Donc ils m'ont missionné aussi pour constituer une équipe de chefs étoilés pour venir avec moi, le but étant de ramener ces sakés dans nos restaurants et puis de les faire découvrir au plus grand nombre. Donc on a eu la chance de visiter 7 ou 8 brasseries de sakés différentes, de la plus traditionnelle à la plus industrielle. On a rencontré énormément de gens, on a découvert de nouveaux produits aussi, on est allé pêcher en mer, relever les filets, enfin voilà, on a fait vraiment beaucoup de choses. C'était un voyage d'une dizaine de jours qui étaient très riches, très intéressants. Donc voilà, on est revenu très riche d'enseignements après ces quelques jours et on a tous passé un très bon moment. Très bien. Je lisais donc l'article de l'Est républicain qui était consacré à ce voyage et pas que. Vous disiez votre rêve c'était d'ouvrir dans un futur lointain d'ouvrir un restaurant à Tokyo. Est-ce que c'est pour vous le Graal, ce rêve ? Alors, le Graal, je ne sais pas, mais il faut se donner des objectifs pour avancer. C'est ce qu'on fait, c'est pour ça qu'on ouvre aussi ces deux restaurants à Metz. C'est toujours rester en mouvement. C'est le mouvement qui déclenche aussi la création. Donc, de rester inerte, c'est jamais très bon. Dès lors qu'on commence à rentrer dans la routine, je pense que c'est là qu'on peut des fois même régresser. Donc, voilà, on est toujours à la recherche de nouveaux défis avec les équipes. Donc, ouvrir en Asie, ce serait pour moi une belle occasion de réunir l'amour que j'ai pour l'Asie au sens large, que ce soit le Japon, la Thaïlande ou même d'autres pays. Et puis la culture française, le savoir-faire français. Parce que dans ces pays-là, il faut savoir voilà, qu'on est aussi attendu. C'est-à-dire que, bon, au Japon, il y a forcément beaucoup de Français qui sont partis. Mais il y a d'autres pays, notamment le Cambodge, le Vietnam, où là, bah, voilà, il y a encore pas une éducation, parce qu'ils ont une très, très, très riche culture culinaire. Il y a des écoles même de cuisine française. Il y a des chefs français qui ont percé et qui ont réussi là-bas. Mais il y a ces cultures qui demandent qu'à être mélangées, mixées pour continuer d'évoluer, au même titre que la culture française, hein, elle est riche justement de sa mixité. Je pense que culinairement, il y a des effets de synergie et des effets de dépassement qui peuvent être générés par ces rencontres et ces ouvertures. D'accord. Au début de l'interview, vous disiez être allé plusieurs fois au Japon. Si vous aviez un top 3 des destinations, de vos destinations favorites qui pourraient peut-être aider nos auditeurs, quel serait ce top 3 pour vous? Bah, il y a forcément Tokyo, même titre que n'importe quel touriste viendrait en France, il irait à Paris. Tokyo, il faut y consacrer au moins une semaine, c'est une ville qui est tellement grande. Après, il y a Kyoto, bien sûr, qui est le Japon historique, le Japon presque un peu médiéval. On peut se perdre dans ces petites rues. Voilà, il y a vraiment quelque chose de très singulier, une atmosphère très différente, très zen à Kyoto, où on peut y passer également au moins une semaine. Tokyo et ses alentours. Et puis il y a Osaka. Alors ça, c'est vraiment des villes populaires. C'est-à-dire que Osaka. Bon, j'en parlais tout à l'heure pendant mon émission. Osaka, c'est un petit peu le garde-manger du Japon, avec toute la. C'est un petit peu la capitale de la street food. Alors ouais, il y a beaucoup de street food. C'est une ambiance qui est très particulière à Osaka. Les Japonais qui connaissent un peu la France disent souvent que Tokyo, c'est Paris et Osaka, c'est Marseille. C'est-à-dire que Marseille. Au même titre que Paris, ça peut être en France, c'est complètement différent. Et ben c'est pareil, à Osaka, il y a une architecture différente, une culture différente, des attitudes qui sont aussi différentes. Donc voilà, ces trois villes-là, on peut sur un mois passer répartir son temps dans ces trois zones-là sans aucun problème. Très bien. Pour ma dernière question, alors, quelle serait votre propre définition de la culture japonaise? C'est quoi pour votre Japon à vous? Mon Japon à moi, c'est un Japon discret, rigoureux, discipliné, mais avec une certaine folie qui se révèle une fois qu'on arrive à franchir des fois la barrière de la langue ou une certaine timidité. Mais c'est des gens qui sont relativement réservés. Pour avoir fréquenté aussi les milieux professionnels, bah, il y a une hiérarchie, il y a une ligne hiérarchique qui est quand même très marquée. Un respect, une gentillesse. Un dévouement justement envers son entreprise et même pour tout ce qui est code de politesse envers les autres et ses hôtes aussi même des fois. Bah, c'est quelque chose moi que j'apprécie et c'est ça. Pour moi, le Japon, c'est le calme, la grandeur et puis la discipline. Voilà. Très bien. Eh bien, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions. Et puis, bah, du coup, on vous souhaite bon courage pour la future ouverture donc, de la brasserie Ume, puis du restaurant Yotsura au centre Pompidou, donc le 5 juin. 5 juin, c'est ça, Très voilà. bien. Et bien, Merci. merci. Merci, au revoir. C'est la fin de la lanterne des otaku. Merci à toutes et à tous. Rendez-vous le mois prochain pour la prochaine émission. Sayonara à tous!